nous soupirions tous deux sur la peine de devoir de nouveau enrouler les dentelles. C'était un long travail, mais nous ne voulions le confier à personne. « Songe donc un peu si nous avions dû les faire, » disait maman, et elle avait l'air vraiment effrayée. Et en effet, je ne me représentais pas du tout cela. Je me surprenais à penser à de petites bêtes qui filent toujours et que, en retour, on laisse en repos. Mais non, c'était naturellement des femmes. « Elles sont sûrement allées au ciel, celles qui ont fait cela, » dis-je, pénétré d'admiration. Je rappelle, car cela me frappa, que depuis longtemps je n'avais plus rien demandé sur le ciel. Maman soupira. Les dentelles étaient de nouveau réunies. Après un instant, alors que j'avais déjà oublié ce que je venais de dire, elle prononça très lentement. « Au ciel ? Je crois qu'elles sont tout entières ici, dedans. » Quand on les regarde ainsi, ce pourrait bien être une béatitude éternelle. On sait si peu de choses sur tout cela. Souvent, lorsqu'il y avait des visites chez nous, on disait que les chulines se restreignaient. Le grand manoir avait brûlé voici quelques années, et à présent, ils habitaient les deux ailes latérales et se restreignaient. Mais ils avaient dans le sang l'habitude de recevoir des invités, et ils ne pouvaient renoncer à cela. Lorsque quelqu'un venait chez nous de façon tout à fait inattendue, il venait probablement de chez les Chulines. Et si quelqu'un regardait tout à coup sa montre et s'en allait avec un air effrayé, c'était sûrement qu'il était attendu à Listinger. À la vérité, maman n'allait déjà plus nulle part. Mais cela, les Chulines ne pouvaient pas le comprendre. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait y aller un jour ou l'autre. C'était en décembre, après quelques précoces chutes de neige. Le traîneau était commandé pour 3 heures. Je devais être de la promenade. Mais on ne partait jamais de chez nous à l'heure précise. Maman, qui n'aimait pas qu'on annonçât la voiture, descendait le plus souvent beaucoup trop tôt. Et lorsqu'elle ne trouvait personne, elle se rappelait toujours quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Et elle commençait à chercher ou à ranger je ne sais quoi tout en haut de la maison, si bien qu'il n'y avait presque plus moyen de l'atteindre. Finalement, nous étions tous là, debout, et nous attendions. Et lorsqu'enfin elle était assise et empaquetée, on découvrait encore qu'on avait oublié quelque chose, et il fallait faire chercher Siversen, car Siversen seul savait où cela se trouvait. Mais ensuite on démarrait brusquement, avant même que Siversen fût revenu. Ce jour-là, il n'avait pas du tout fini par faire clair. Les arbres étaient là, comme empêchés d'avancer dans le brouillard, et il y avait de l'entêtement à vouloir quand même entrer là-dedans. La neige, cependant, recommençait à tomber en silence, et à présent c'était comme si tout, jusqu'au dernier trait, avait été effacé, comme si l'on conduisait dans une page blanche. Il n'y avait rien que le son des grelots, et l'on aurait pu dire exactement où il se trouvait. Vint un instant qu'il cessa même, comme si le dernier grelot avait été dépensé. Mais ensuite le tintement se rassembla de nouveau, et fut d'accord et de nouveau se répandit hors de l'abondance. Le clocher à gauche, on pouvait l'avoir imaginé, mais le contour du parc était soudain là, haut, presque au-dessous de nous, et l'on se trouvait dans la longue avenue. Les grelots ne se détachaient plus complètement. C'était comme s'ils étaient accrochés par grappes à gauche et à droite, aux arbres. Puis l'on vira et l'on tourna autour de quelque chose, à droite, et l'on s'arrêta au milieu. George avait complètement oublié que la maison n'était plus là, et pour nous tous, elle fut là en cet instant. Nous montâmes le perron qui conduisait sur l'ancienne terrasse, et nous étions tous étonnés qu'il fût si sombre. Subitement, une porte s'ouvrit à gauche, derrière nous, et quelqu'un cria « Par ici !» Levaille agita une lumière embuée. Mon père rit. Nous errons ici comme des fantômes, et il nous aida à redescendre les marches. Mais il y avait cependant tout à l'heure une maison ici, dit maman. Elle ne pouvait pas s'habituer si vite à Gérard Schulin, qui venait d'accourir, toute chaude et riante. Et bien entendu, il fallait tout de suite entrer, et il n'était plus question de penser encore à la maison. On vous débarrassait dans un vestibule étroit, et voici qu'on était soudain au milieu des lampes et en face de la chaleur. Ces Chulines étaient une puissante famille de femmes autonomes. Je ne sais pas s'il y eut jamais des fils de cette race. Je ne me souviens que de 3 sœurs, de l'aînée qui avait épousé un marquis napolitain et qui, à force de procès, n'en finissait pas de divorcer. Puis venait Zoé, dont on disait qu'il n'y avait rien au monde qu'elle ignorât. Et surtout il y avait Vgéra, cette chaude Vgéra. Dieu sait ce qu'elle est devenue. La comtesse, une Narishkine, était en réalité la 4e sœur et, à certains égards, la plus jeune. Elle ne savait rien et ses enfants devaient sans cesse la renseigner. Et le brave comte Schulin se croyait presque marié à toutes ces femmes. Il allait, venait et les embrassait, un peu au hasard. Il rit d'abord très fort et nous salua avec une attention minutieuse. Les femmes me faisaient circuler d'une main dans l'autre. L'on me palpait et l'on m'interrogeait. Mais j'étais fermement résolu à m'échapper aussitôt après, de quelque façon que ce fût, et à me mettre à la recherche de la maison. J'étais convaincu qu'aujourd'hui, elle était là. Il ne m'était pas très difficile de quitter la chambre. Entre tant de robes, on pouvait se faufiler, très bas comme un chien, et la porte du vestibule n'était qu'appuyée. Mais dehors, la porte extérieure ne voulait pas céder. Il y avait là plusieurs mécanismes, des chaînes et des verrous que, dans ma hâte, je maniais maladroitement. Subitement, elle s'ouvrit quand même, mais en faisant un grand bruit, et avant que je fusse dehors, je me sentis retenu et ramené en arrière. « Halte là, le fuyard, ici on ne prend pas la clé des champs !» dit Gérard Schulin d'un air amusé. Elle se pencha sur moi, et j'étais bien décidé à ne rien trahir à cette chaude et riante personne. Mais comme je ne disais toujours rien, elle supposa délibérément qu'un besoin naturel m'avait poussé à la porte. Elle prit ma main et marchait déjà, et d'un air où il y avait une part de privauté et une part de fierté, voulut m'entraîner je ne sais où. Ce malentendu intime me blessa au-delà de toute mesure. Je me dégageai, et la regardai d'un air colère. « C'est la maison que je veux voir, » dis-je avec orgueil. Elle ne comprenait pas. « La grande maison dehors, près de l'escalier. »« Petit âne, » dit-elle, et tenta de m'attraper. « Il n'y a plus de maison là-bas. » Je persistai. « Nous irons une fois deux jours, » proposa-t-elle, conciliante. « On ne peut pas y traîner à cette heure-ci. Il y a des trous, et en arrière sont les viviers de papa, qui ne doivent jamais geler. Tu tomberas à l'eau, et tu seras changé en poisson. » En même temps, elle me poussait devant elle, vers les chambres éclairées. Ils étaient tous assis là, et je les regardais l'un après l'autre. Ils n'y vont bien entendu que lorsqu'elle n'est pas là, songeais-je, avec mépris. Si maman et moi habitions ici, elle serait toujours là. Maman paraissait distraite, tandis que les autres parlaient tous à la fois. Elle pensa sûrement à la maison. Zoé s'assit à côté de moi et me posa des questions. Elle avait un visage bien ordonné, où l'intelligence se renouvelait de temps en temps, comme si elle ne cessait de comprendre. Mon père était assis, le corps légèrement incliné à droite, et écoutait la marquise qui riait. Le comte Schulin était debout entre maman et sa femme et racontait quelque chose. Mais je vis la comtesse l'interrompre au milieu d'une phrase. « Non, mon petit, c'est une idée, » dit avec bonhomie le comte, mais lui aussi prit tout à coup un visage inquiet qui s'avançait au-dessus des deux dames. On ne pouvait cependant faire renoncer la comtesse si facilement à cette idée. Elle semblait toute tendue comme quelqu'un qui ne veut pas être dérangé. Elle faisait de petits signes de défense, de ses molles mains baguées. Quelqu'un fit « tchit » et un silence se fit tout à coup. Derrière les hommes, les grands objets de la vieille maison se poussaient beaucoup trop près. La lourde argenterie de famille brillait et se bombait comme si on l'avait vue à travers une loupe. Mon père se retourna, surpris. « Maman sent une odeur, » dit Gérard Schulin derrière lui. « Taisons-nous bien tous. Elle sent avec ses oreilles. » Elle-même cependant arquait ses sourcils, attentive, et n'était plus que née. Les Schulin à cet égard étaient devenus un peu bizarres depuis l'incendie. Dans les chambres étroites et surchauffées, quelque odeur pouvait s'élever à tout moment, et alors on l'analysait, et chacun donnait son avis. Zoé s'occupait du poêle, pratique et consciencieuse. Le comte allait et venait, s'arrêtait un instant dans chaque angle de la chambre et attendait. « Ce n'est pas ici, » disait-il ensuite. La comtesse s'était levée et ne savait pas où elle devait chercher. Mon père tourna lentement sur lui-même, comme s'il avait eu l'odeur dans le dos. La marquise, qui avait aussitôt supposé que ce devait être une mauvaise odeur, tenait son mouchoir sur la bouche et regardait de l'un à l'autre pour savoir si c'était passé. « Ici, ici !» s'écriait Gérard de temps à autre, comme si elle la tenait. Et autour de chaque mot se faisait un étrange silence. En ce qui me touche, j'avais de concert avec les autres bravement exercé mon odorat. Mais tout à coup, était-ce la chaleur des chambres ou tant de lumière si proche, je me sentis pris, pour la première fois de ma vie, d'un sentiment qui devait ressembler à la peur des fantômes. Il m'apparut clairement que tous ces grands hommes, si évidents, qui un instant plus tôt parlaient et riaient encore, marchaient courbés et étaient occupés de je ne sais quoi d'invisible, qu'ils admettaient qu'il dut y avoir là quelque chose qu'ils ne voyaient pas, et il était affreux de penser que cette chose était plus forte que tous. Ma peur grandissait. Il me semblait que ce qu'il cherchait pourrait éclater soudain hors de moi, comme une éruption. Et alors il le verrait et tendrait le doigt vers moi. Tout désespéré, je dirigeais mon regard vers maman. Elle s'était assise singulièrement droite, il me sembla qu'elle devait attendre. À peine étais-je près d'elle, et eus-je senti qu'elle tremblait intérieurement, que je sus que la maison, à présent, commençait de nouveau à fondre. « Malte froussa, riait-on quelque part. » C'était la voix de Gérard. Mais nous ne nous abandonnons pas, et nous souffrîmes ensemble le même mal. Et nous demeurâmes ainsi, maman et moi, jusqu'à ce que la maison se fût de nouveau évanouie. Mais les jours les plus riches en expériences, presque insaisissables, étaient encore les jours d'anniversaire. Sans doute savait-on déjà que la vie se plaisait à ne pas faire de différence. Pour ce jour-là, cependant, on se levait avec la conscience d'avoir droit à la joie, un droit qui ne pouvait plus être remis en question. Sans doute le sentiment de ce droit s'était-il développé très tôt en nous, dans le temps où l'on touche à tout, où l'on reçoit vraiment tout, où l'on hausse les objets que l'on se trouve avoir en main, avec une force d'imagination que rien ne saurait faire dériver, jusqu'à l'intensité et à la couleur fondamentale du désir, qui justement domine en nous. Mais ensuite viennent tout à coup ces singuliers jours d'anniversaire, où, dans la sûre et pleine conscience de ce droit acquis, l'on voit les autres devenir incertains. On voudrait se laisser habiller comme autrefois, et puis accueillir le reste. Mais à peine est-on éveillé que quelqu'un crie dehors que la tarte n'est pas encore arrivée, ou bien l'on entend qu'un objet se brise, tandis que dans la chambre contiguë, ils apprêtaient la table garnie de cadeaux. Ou bien quelqu'un entre et laisse la porte ouverte, et l'on voit tout, avant que l'on eût dû le voir. C'est l'instant où s'accomplit en vous comme une opération, un toucher bref et atrocement douloureux. Mais la main qui l'exécute est ferme et exercée. C'est tout de suite fini, et à peine l'a-t-on surmonté que l'on ne pense déjà plus à soi-même. Il s'agit de sauver l'anniversaire, d'observer les autres, de prévenir leurs fautes, de les confirmer dans leur illusion qu'ils s'acquittent de tout admirablement. Ils ne vous rendent pas votre tâche facile. Il apparaît qu'ils sont d'une maladresse sans exemple, presque stupide. Ils trouvent moyen d'entrer avec des paquets quelconques, destinés à d'autres gens. On court à leur rencontre, et l'on doit ensuite faire semblant de tourner simplement dans la chambre pour se donner du mouvement et sans but précis. Ils veulent vous surprendre, et avec une curiosité et une attente qui ne sont que superficiellement feintes, ils soulèvent la couche intérieure des boîtes de jouets, qui ne contenaient que des copeaux. Alors il faut les aider à surmonter leur gêne. Ou encore, si c'était un jouet mécanique, ils brisent eux-mêmes le ressort de leur cadeau en le remontant trop. Il est donc bon de s'exercer à tendre, à pousser au besoin du pied, sans qu'il y paraisse une souris dont le cran d'arrêt a été dépassé. On réussit souvent ainsi à les tromper et à leur épargner la honte. Cela d'ailleurs, on y parvenait à souhait, même sans don particulier. Du talent, il n'en fallait vraiment que lorsque quelqu'un s'était donné du mal et apportait, débordant d'impatience et de bonhomie joviale, un plaisir. Et de loin déjà, l'on voyait que ce plaisir n'était bon que pour toute autre chose que pour vous, que c'était un plaisir tout à fait étranger. On ne savait même pas à qui il aurait pu convenir, tant il était étranger. Que l'on raconta vraiment, cela n'a dû arriver que bien avant mon temps. Je n'ai jamais entendu raconter personne. Autrefois, lorsque Abélone me parlait de la jeunesse de maman, il apparut qu'elle ne savait pas raconter. On prétendait que l'ancien comte Brahe avait encore su raconter. Je veux écrire ici ce qu'elle m'en a dit. Abélone, comme très jeune fille, devait avoir été d'une ample et particulière sensibilité. Les Brahe habitaient alors la ville, dans la Bredgade, et menaient une vie assez mondaine. Lorsque le soir tard elle montait dans sa chambre, elle croyait être fatiguée comme les autres. Mais alors, tout à coup, elle sentait la fenêtre, et si j'ai bien compris, elle pouvait rester debout devant la nuit, des heures durant en songeant. Ceci me regarde. J'étais là, pareil à un prisonnier, disait-elle, et les étoiles étaient la liberté. Elle ne pouvait s'endormir sans d'abord se faire lourde. L'expression « tomber de sommeil » ne convient pas à cette année de jeune fille. Le sommeil était je ne sais quoi qui montait avec vous, et de temps en temps on avait les yeux ouverts, et l'on était étendu sur une nouvelle surface qui n'était pas encore la plus élevée. Et l'on était debout avant le jour, même en hiver, lorsque les autres arrivaient endormis et en retard au petit déjeuner déjà tardif. Le soir, lorsque la nuit tombait, il n'y avait jamais que des lumières pour tous, des lumières communes. Mais ces deux chandelles allumées de très bonne heure dans une obscurité toute nouvelle, avec quoi tout recommençait, celles-ci vous appartenaient. Elles étaient plantées dans le chandelier bas à deux branches et semblaient brûler tranquillement, paraissant à travers les petits abat-jour de tulle ovale où des roses étaient peintes et qu'il fallait de temps à autre faire glisser plus bas. Cette nécessité n'avait rien de gênant. D'abord, on était nullement pressé. Et puis, il arrivait toujours de nouveau qu'on dût lever les yeux et réfléchir, tandis qu'on écrivait une lettre ou quelques pages de ce journal qui avait commencé jadis avec une écriture tout autre, appliquée et belle. Le comte Brahe vivait très à l'écart de ses filles. Il tenait pour illusion qu'on prétendît partager la vie de quelqu'un. Oui, oui, partager, disait-il. Mais il ne lui déplaisait pas que les gens lui parlassent de temps en temps de ses filles. Il écoutait avec attention, comme si elles avaient habité une autre ville. On fut donc très surpris qu'un jour, après le petit déjeuner, il fit signe à Bélone d'approcher. « Nous avons les mêmes habitudes, il me semble. J'écris aussi de très bonne heure. Tu peux m'aider ?» Abélone s'en souvenait encore comme si c'était de hier. Dès le lendemain matin, elle fut introduite dans le cabinet de travail de son père, dont on croyait l'accès interdit. Elle n'eut pas le temps de poser son regard sur tout ce qui l'entourait, car on l'assit aussitôt en face du comte, devant le bureau qui lui apparut comme une vaste plaine, où les livres et les dossiers figuraient des villages. Le comte dicta. Ceux qui affirmaient que le comte Brahe écrivait ses mémoires n'avaient pas tout à fait tort. Mais il ne s'agissait ni des souvenirs politiques, ni des souvenirs militaires qu'on attendait de lui avec impatience. « J'oublie ces choses-là, » répondait brièvement le vieillard, lorsqu'on l'interrogeait sur de telles fêtes. Ce qu'il ne voulait pas oublier, c'était son enfance. Il y était particulièrement attaché. Il lui semblait normal que ses temps très éloignés prissent à présent le dessus en lui, et que, lorsqu'il dirigeait son regard en dedans de soi, il fût cela comme dans une claire nuit d'été des pays du Nord, extasié et sans sommeil. Quelquefois il sursautait et parlait comme les chandelles dont les flammes vacillaient. Ou bien il fallait de nouveau biffer des phrases entières, et ensuite il allait et venait avec véhémence dans la pièce, et les pans de sa grande robe de chambre en soie vernile flottaient dans son sillage. Pendant que tout cela se déroulait, une autre personne était encore présente, Sten, le vieux valet de chambre jutlandais du comte, dont le devoir était, lorsque mon grand-père se levait en sursaut, de vite poser ses mains sur les feuillets détachés, qui, couverts de notes, étaient répandus sur la table. Son Altesse se figurait que le papier d'aujourd'hui ne valait plus rien, qu'il était trop léger et s'envolait au moindre souffle, et Sten, qu'on ne voyait qu'à mi-corps, partageait cette méfiance, et semblait en quelque sorte accroupi sur les paumes de ses mains, aveugle au jour et grave comme un oiseau de nuit. Ce Sten passait ses après-midi de dimanche à lire Swedenborg, et personne de la domesticité n'osait entrer dans sa chambre, parce qu'on prétendait qu'il évoquait des esprits. La famille de Sten avait toujours entretenu des rapports avec les esprits, et Sten paraissait tout particulièrement prédestiné à cultiver ce genre de relations. Une vision était apparue à sa mère la nuit qu'elle accoucha de lui. Il avait de grands yeux ronds, et l'autre extrémité de son regard semblait se fixer toujours derrière la personne qu'il considérait. Le père d'Abélone s'informait souvent des esprits, de même qu'on a coutume d'interroger quelqu'un sur la santé de ses familiers. « Viennent-ils au moins, Sten ? » demandait-il avec bienveillance. « Allons, tant mieux, tant mieux. » La dictée se poursuivit ainsi quelques matins, jusqu'à ce que Abélone, un jour, ne sut pas écrire le mot « Ekenforde ». C'était un nom propre, et elle ne l'avait jamais entendu. Le comte qui, à la vérité, cherchait depuis longtemps un prétexte pour renoncer à écrire, parce que la plume allait moins vite que ses souvenirs, se montra irrité. « Elle ne sait pas l'écrire, dit-il sur un ton coupant, et d'autres ne sauront pas le lire. Et verront-ils seulement ce que je veux dire ? » poursuivit-il de plus en plus en colère, sans quitter des yeux Abélone. « Le verront-ils, ce Saint-Germain ? » s'écria-t-il tourné vers elle. « Allons, avons-nous, dit Saint-Germain ? » « Biffez, écrivez, le marquis de Belmar. » Abélone biffa et écrivit. Mais le comte poursuivit en parlant si vite qu'il devenait impossible de le suivre. Il ne pouvait supporter les enfants, cet excellent Belmar, mais tout petit que j'étais alors, il me prit sur ses genoux, et j'eus l'idée de mordre ses boutons de diamant. Cela lui fit plaisir. Il rit et me leva le menton jusqu'à ce que nous regardassions l'un dans les yeux de l'autre. « Tu as d'excellentes dents, dit-il, tu as des dents vraiment entreprenantes. » Je tâchais cependant de garder le souvenir de ses yeux. J'ai traîné un peu partout depuis lors. J'ai vu toutes sortes d'yeux, tu peux m'en croire, mais je n'en ai pas revu de pareil. Pour ces yeux-là, il eût mieux valu que rien n'existât. Ils contenaient tout. As-tu entendu parler de Venise ? Bien. Sache donc que ces yeux eussent projeté Venise dans cette chambre, et qu'elle eût été là comme cette table. J'étais assis un jour dans un angle de la pièce, et je l'écoutais parler à mon père de la Perse. Quelquefois, il me semble encore que mes mains en ont gardé l'odeur. Mon père l'estimait, et son Altesse, le Landgrave, était un peu son élève. Mais il y avait naturellement beaucoup de gens qui lui reprochaient de ne croire au passé que lorsque le passé était en lui. Il ne pouvait pas comprendre que ce Frusquin n'a de signification que lorsqu'on l'a eu de naissance. « Les livres sont vides !» s'écriait le comte, avec un geste furieux vers les murs. « Le sang, c'est là ce qui importe, et c'est là ce qu'il faut savoir lire. » Le sang de Belmar contenait des histoires singulières et d'étranges images. Il pouvait ouvrir où il voulait. Il trouvait partout quelque chose. Aucune page de son sang n'avait été laissée en blanc. Et lorsqu'il s'enfermait de temps en temps pour le feuilleter seul, il arrivait par exemple au passage sur l'alchimie, sur les pierres et sur les couleurs. Pourquoi toutes ces choses n'y auraient-elles pas figuré? Il faut bien qu'elles figurent quelque part. Il eût aisément pu vivre avec une seule vérité, cet homme, s'il avait été seul. Mais il n'était pas facile de vivre seul avec un être tel que sa vérité. D'autre part, il n'était pas assez dépourvu de goût pour inviter les gens à l'aller voir lorsqu'il était en compagnie d'elle. Il ne voulait pas qu'elle prêtât à d'inutiles discours. Il était trop oriental pour cela. « Adieu, madame, disait-il très sincèrement. À bientôt. Peut-être dans 1000 années serons-nous plus forts et moins troublés. Votre beauté s'épanouira encore, disait-il. Et ce n'était pas là une simple politesse. Puis il s'en allait et créait dehors pour les gens une sorte de jardin des plantes, où il acclimatait des espèces de mensonges encore inconnus dans nos parages et une palmeraie d'exagération et une petite figurée de faux secrets. Alors ils vinrent de toutes parts et il allait et venait, les chaussures ornées de boucles de diamants, et il n'était là que pour ses invités. Une existence superficielle, quoi. Au fond, il témoigna quand même d'un cœur chevaleresque à l'égard de sa femme, et il s'est assez bien conservé à mener cette vie-là. Depuis quelque temps déjà, le vieillard ne s'adressait plus à Abélone, qu'il avait oublié. Il allait et venait comme un fou, et jetait des regards provoquants à Sten, comme si Sten allait d'un instant à l'autre être transformé en l'objet de sa pensée. Mais Sten ne se transformait pas encore. « Il faudrait le voir, » poursuivait le comte Brahe avec acharnement. Il fut un temps qu'il était très visible, bien que dans beaucoup de villes, les lettres qu'il recevait ne fussent adressées à personne. L'enveloppe ne portait que le nom de la ville, rien de plus, et cependant je l'ai vu. Il n'était pas beau. Le comte rit avec une sorte de hâte étrange, ni même ce que les gens appellent important ou distingué. Il y avait toujours à côté de lui des hommes plus distingués. Il était riche, mais ce n'était de sa part qu'un caprice auquel il ne faudrait pas attacher d'importance. Il était bien conformé, encore que d'autres se tinssent plus droit que lui. Bien entendu, je ne pouvais pas juger s'il était spirituel, s'il était ceci ou cela, à quoi l'on met d'ordinaire du prix, mais il était. Tremblant, le comte se dressait et faisait un mouvement comme s'il avait posé dans l'espace un objet qui resta immobile. À cet instant, il s'aperçut de nouveau de la présence d'Abélone. « Le vois-tu » l'interpella-t-il sur un ton impérieux, et soudain il saisit un candélabre en argent, et en l'aveuglant, il éclaira le visage d'Abélone. Il se souvint de l'avoir vu. Les jours suivants, Abélone fut appelé régulièrement, et après cet incident, la dictée se continua plus calmement. Le comte reconstituait, d'après toutes sortes de manuscrits, ses souvenirs les plus anciens sur l'entourage de Benstorff, auprès duquel son père avait joué un certain rôle. Abélone était maintenant si bien habitué aux petites particularités de son travail que quiconque eût vu leur collaboration empressée eût facilement cru qu'il s'agissait d'une intimité véritable. Un jour qu'Abélone voulait déjà se retirer, le vieux comte marcha vers elle, et ce fut comme s'il tenait derrière soi une surprise dans ses mains. « Demain nous écrirons sur Julie Ravenclaw, » dit-il, et l'on vit qu'il éprouvait une jouissance à prononcer ces mots. « Ce fut une sainte !» Sans doute Abélone le regarda-t-elle d'un air incrédule. « Oui, oui, » maintint-il d'une voix impérieuse, « il y a encore des saintes, il y a de tout, comtesse Abel. » Il prit les mains d'Abélone et les écarta comme on ouvre un livre. « Elle avait des stigmates, » dit-il, « ici et là. » Et de son doigt froid, il toucha durement et rapidement les deux paumes de la jeune fille. Abélone ne connaissait pas le mot « stigmate ».« Nous verrons bien, » songea-t-elle. Elle était très impatiente d'entendre parler de la sainte que son père avait encore vue. Mais on ne le rappela ni le lendemain ni plus tard. On a souvent parlé chez nous de la comtesse Ravenclaw, conclut brièvement Abélone, lorsque je la priais de m'en conter davantage. Elle semblait fatiguée. Elle prétendait aussi avoir oublié la plus grande partie de ces événements, mais je sens encore quelquefois les deux marques, ajouta-t-elle en souriant, et elle ne pouvait s'empêcher de regarder, presque avec curiosité, ses paumes vides.